Des presses étrangères ont traité spécialement le 25e et 5e anniversaire de la promotion du général Kim Jong-il et du maréchal Kim Jong-un au poste de commandant suprême de l'armée populaire de Corée. L'agence de presse angolaise et la radio nationale cambodgienne ont fait part des exploits du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il, ainsi que de l'attachement au peuple du dirigeant suprême Kim Jong-un. L'homepage d'internet du forum allemand anti-impérialiste a exposé le portrait souriant du général et exalté ses exploits de direction de Sun Gun. Le journal russe Komsomolskaya Pravda a imprimé des photos du maréchal et donné un écrit sous le titre « La République populaire démocratique de Corée envisage de transformer tout le peuple en talent scientifique et technique ». L'homepage d'internet russe et du Kosko blog Spot.ru a véhiculé les articles titrés « Victoire de la Corée » et « Fin du navire espion américain Pueblo ».